Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver. Évidemment, je ne suis pas seul, avec moi Rémi, Vincent, Miguel. Les gars, comment allez-vous? Yo tout le monde, moi ça va super. Salut tout le monde, et bah écoute, ça va nickel. Et toi Miguel? Coucou. Pareil, hein, nickel hein. Ça va pas mieux depuis que les Rockets ont battu les Sixers? Bah, ça va même mieux depuis qu'on est plus de dernier de la NBA. On est remonté. Prochain objectif, on rattrape les Bulls. Ouais, mais nous, c'est notre objectif d'être dernier. Nous, nos Bulls, l'objectif, c'est, il s'appelle Victor Wembanyama. Ah, il y en a d'autres qui sont sur ce plan-là, on en parlera peut-être un peu après. Cette semaine, nous allons faire un petit récap de l'actualité. Miguel s'occupera des tops, moi des flops. Rémi vous parlera des petites actus pêle-mêle. Vincent, la question et ensuite les petits coups de cœur, coups de gueule habituels. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste, on s'en occupe. C'est parti! Alors Miguel, qu'est-ce qu'il se passe de bien en NBA cette semaine, enfin depuis deux semaines? Bah écoute, il se passe qu'à l'Ouest, on a un nouveau numéro 1. Et je pense qu'on ne s'y attendait pas forcément. My God! Est-ce que dans le numéro 1, il y a un camion dans l'équipe? Il y a un gros camtar. Hein, y a un gros camtar. Autobus! On parle bien sûr des Pelicans qui sont premiers actuellement, en tout cas alors on tourne à l'Ouest, avec 16 victoires pour 8 défaites. C'est pas si mal. Et, ça joue bien. Ça joue bien, on a une grosse attaque, une assez bonne défense. Je pense que la seule équipe actuellement qui est au-dessus d'eux, c'est Celtics, clairement. Ouais. Et pour moi, on est peut-être, en tout cas aujourd'hui, sur la deuxième... C'est les premiers, ils sont premiers du classement NBA, donc c'est pas compliqué de dire ça, ouais. Mais même quand tu regardes niveau stats, c'est super intéressant. Là, depuis qu'on a tourné notre dernier épisode, ils ont perdu deux fois, et c'était contre Boston et les Grizzlies, donc quand même des matchs assez disputés. Et ça gagne, même en plus, il y a les blessures. Ingram, là, il n'est pas là depuis 5 matchs, 5 victoires. Ça pose pas de problème, c'est énorme ça. Zion, il est sur une constance incroyable. Il tourne constance à 130 kilos. 24 points, 7 rebonds, 4 assists, et il fait ça quasiment tous les matchs. Il n'y a pas un match où il est clairement en dessous. Il se donne en défense, là, c'est bien. Ouais, non, c'est il se bouge le cul. C'est il très se bouge pas, pas sur le cul avant et il se remue là, c'est bien. Et bien sûr, petite dédicace quand même, je pense que vous l'avez vu passer le petit match de José Alvarado. C'est incroyable ce que vous avez lâché. C'était énorme. C'était un régal de voir ce match-là dimanche soir. En plus, en heure européenne, il nous lâche 8 en 38 points, record de carrière. Le mec n'est même pas drafté. C'est énorme. Et c'est la cinquième roue du carrosse dans l'équipe, hein, faut le rappeler. C'est en principe, ouais. Ouais, c'est beau de le voir jouer à ce niveau-là. En plus, il se prenait vraiment pour Steph Curry. C'était assez impressionnant à voir. Moi, ce qui me fait plaisir dans cette équipe des Pels, en fait, c'est collectivement comment la balle elle bouge bien, comment tout le monde se défonce l'un pour l'autre, enfin les uns pour les autres. Et du coup, en fait, bah, pour l'instant, ça va enchaîner les wins. Alors, faut voir, parce que la saison régulière, on connaît. Ça se trouve, c'est peut-être aussi le calendrier qui, pour l'instant, est un peu facile. On voit avoir d'autres équipes aussi qui sont en train de revenir grâce à leur calendrier. Mais si ça tient jusqu'au bout, et bah, peut-être que ça peut être une équipe qui fera sensation et qui pourra construire de bonnes bases pour la saison prochaine. Surtout que c'est, je crois, l'équipe qui a le meilleur rendu en termes de contrat. Parce qu'en fait, toute l'équipe est fixée pour 3 ans, je crois. Donc, c'est cool. La meilleure perspective d'avenir en termes de contrat, de draft et de stabilité, en tout cas. Donc, c'est cool. Mais en tout cas, tu l'as dit au niveau du calendrier, justement, c'est là où ça va être intéressant parce que. Il y a des gros matchs qui arrivent. Il y a des gros matchs qui arrivent. Là, ils vont recevoir les Suns pour 2 matchs d'affilée. Donc, ça va être clairement pour soit prendre le lead, tout seul à l'Ouest, soit rattraper. Tu vas aussi aller deux fois au Jazz, tu retournes aux Suns et les affrontes les Suns 3 fois en 5 matchs. Okay. Ça va jouer les Bucks, après ça va se calmer un petit peu. Mais là, ça va être le gros test en tout cas pour les Pelicans. On va voir s'ils restent justement toujours premiers d'ici là. Là, j'ai une équipe là en para-l'Est et franchement, je ne pensais pas qu'on allait en parler dans les tops. Mais c'est une équipe à New York et on ne parle pas des Knicks. Hein. Oh le bâtard! J'ai rien demandé! Non, mais parce que la dernière fois, on a un peu chié sur Brooklyn. Et là, je suis désolé, les gars, depuis la fois qu'on a fait notre épisode, bah, les gars, ils sont quatrièmes à l'Est, en fait. Ouais. On ne s'en rend même pas compte, ils sont quatrièmes à l'Est. La dernière fois qu'on a tourné, ils étaient à 7 victoires pour 9 défaites. Là, ils sont à 14-12. Ils ont enchaîné les victoires. Et pourtant, hein, on sortait quand même de cette histoire avec Irving. Ouais. Après, avec le coach aussi, avec le nouveau coach. Et pourtant, bah, ça roule super bien. KD, qui a été joueur de la semaine, là, qui nous a lâché. KD qui est trop fort. Il nous lâche une saison. Pour l'instant, les gars, il est en 30 points de moyenne. Hein. C'est... 19 sur 24 au shoot. Mon Dieu. Ah oui, quel moment c'est fort. Quel moment en fait. Bah, il s'est levé le matin, il l'a senti. Hein. Bah ouais, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Énorme. Ouais, je me suis levé, bah, j'ai senti que j'allais rien rater en fait. Non, c'est pas ça la question. La question c'est de comment vous vivez votre journée comment c'était la question formulée. Comment savez-vous que vous allez scorer autant ce soir? Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. À quel moment avez-vous su que vous alliez être aussi fort ce soir? Il a dit en me réveillant. Ouais, merci ça. Frérot. Ouais, normal. La sérénité. Ouais. Mais ouais, impressionnant. Impressionnant. Irving, il nous fait du Irving. Certains matchs, c'est correct. D'autres, un peu moins. Ben Simons qui est blessé depuis 4 matchs. Mais pour autant, là, ça tient la route. Pour l'instant, ça allait mieux en plus sur les derniers matchs. Hein. Ça allait mieux pour lui. Bon, bah écoute, il va se reposer un peu plus avant de revenir. Mais Brooklyn, j'attends de voir. Mais c'est vrai que là, il y a une petite remontée. Il se met à rentrer les shoots aussi. Royce O'Neal, Seth Curry, ça se met à shooter correctement, donc de suite ça aide. C'est clair. Donc voilà, Brooklyn, une équipe au top cette semaine. Une autre équipe au top, c'est les Grizzlies. Les Grizzlies qui enchaînent pas mal les victoires, là qui sont actuellement troisième à l'Ouest, égalité avec les Suns. Ouais. Et pourtant, en fait, c'est ça qui m'impressionne avec Memphis, c'est que même l'année dernière, on l'a vu, hein, tu peux avoir un joueur très important qui est blessé pendant un certain temps, ils en ont rien à foutre en fait. Il nous manque un mec important, c'est pas grave, on fait le taf, on gagne. Desmond Bane, il est pas là depuis je sais pas combien de matchs et ça continue à gagner. C'est Jackson Miller aussi qui est pas là, faut rappeler. Et en plus de ça, il est out encore, il me semble, au moins un petit moment. 4 à 6 semaines, il me semble encore. Ouais. Il a encore un petit moment d'arrêt là. Ouais, il y a Jackson Miller qui est revenu, lui, il y a déjà quelques temps et justement, ça a fait un peu de bien défensivement à l'équipe. Normal. Mais ouais, ça, là, franchement, ça enchaîne, 16 victoires, 9 défaites sur la saison. Memphis, je sais pas, vous avez peut-être des choses à dire, à part que Ja Morant était juste. Continuité par. Ouais, bah, normal. Même s'il est surcoté, comme certains le pensent, hein, Vincent. Mais ouais, moi, ce qui. En fait, c'est la continuité de la saison derrière. On pensait que ça allait peut-être être compliqué. Au final, on voit que l'équipe a des bases solides et que cette jeunesse, en fait, bah, sait jouer un basket. À la fois spectaculaire parce que à regarder c'est génial et en plus de ça performant, donc c'est bien pour les Memphis et bah, tout simplement on attend maintenant ce qu'on attend de cette équipe là c'est d'aller qu'ils aillent loin en playoff en fait, c'est tout. Memphis, moi je suis content, ils ont plus rien à prouver en fait à part des grosses performances de playoff. Ah bah tu vois, moi au contraire, moi je trouve qu'ils prouvent beaucoup justement parce qu'en fait l'été dernier ils avaient fait des gros transferts en lâchant quelques roleplayers intéressants pour récupérer du pic de draft, et avec Miguel à la preview, on était là en mode, mais qu'est-ce qu'ils font? On comprend pas. Les mecs, ils commencent à avoir des jeunes joueurs super intéressants avec beaucoup de potentiel, et ils continuent d'accumuler des pics de draft. Et en fait, ça marche quand même, parce qu'il y a quand même un très bon collectif, ils ont un staff de grands malades qui permet de les former, et Roddy, je suis vraiment content de la façon dont il est intégré, de ce qu'il apporte. Moi, je suis vraiment surpris de la façon dont ils intègrent leurs rookies, et de la façon dont ils les font jouer, et que ça gagne quand même avec ça. Parce qu'ils ont un beau quintet, malgré des blessés. Et en fait, les rookies, ils sont là en mode, bah ouais, en fait, nous, on a NBA chat tous les 4 ans, place. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça. On connaît notre rôle, il n'y a aucun souci. Voilà, trop fort. Petit dernier top. Là, on part sur un joueur, parce que là, au niveau des équipes, je pense qu'on a fait le tour. Je veux juste citer un joueur ces derniers temps qui nous fait des choses monstrueuses. Exactement. Le... On s'est vu Anthony Davis, les gars. Le mec, écoutez-moi bien, il est tellement bouillant qu'il est obligé de sortir du match parce qu'il a 39 de fièvre. C'est incroyable. Le mec, je ressors les stats, hein, il fait un match à 55 points, 17 rebonds, 3 blocs. Juste avant, il avait fait 44 points, 10 rebonds, 4 assists, 3 blocs. Et on s'était posé cette question quand on avait fait le focus justement avec les Lakers. Est-ce qu'il est meilleur sans LeBron James, justement, parce que c'est ce qu'il est en train de montrer. En fait, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre, en fait. Il est bon tout le temps. Là, LeBron, il est là. Bah, LeBron, non, il n'est pas bon tout le temps. Non. Pas... Non. Parce qu'attends, ça faisait 2 ans qu'on ne l'avait pas vu. Il ne faut pas l'oublier. Là, il nous lâche des matchs, mais c'est juste incroyable. Oui. Et les Lakers commencent à gagner. Je suis fan de ce qu'il fait, mais je me dis jusqu'à quand. J'avoue, j'ai peur de jusqu'à quand. Mais après, il y a les blessures aussi. Hein. Parce que jusqu'aux premières petites douleurs qu'il va ressentir, où ça va le restopper. Et... Enfin, on connaît l'histoire avec AD, de toute façon. Mais par contre, si vraiment il joue à ce niveau-là, quand il n'a pas de douleur, vas-y, mais achetez-vous un vrai staff médical aux Lakers, là, parce que là, les gars, c'est... Bah, c'est même pas que eux, hein, c'est lui qui est fragile. C'est pas les médecins. Mais il est fragile. Mais frère, quand il est en forme, la dinguerie qui nous lâche, là, depuis 3 semaines. Ouais, mais ça, en fait, c'est ça qui est énervant avec Anthony Davis, c'est qu'on sait. En fait, on sait, c'est trop frustrant, parce qu'on sait que le mec, quand il est là, vas-y, il est injouable. À New Orleans, déjà, c'était pareil. Le mec, il est trop fort, en fait. Il est trop fort, mais il est fragile. C'est comme Kawhi. Rémi, ouais. Peut-être qu'on en parlera un peu. Je suis d'accord avec toi. Non, mais voilà, tu vois, c'est des joueurs qui c'est trop. À la différence, qu'a dit Anthony Davis, même quand il est un peu mal, il joue quand même. Il est moins bon, mais il joue. Ouais. Je sais pas ce qui est le plus frustrant, mais dans les deux cas, c'est chiant. Quoi. Bah, en fait, limite, ouais. Bon, Anthony Davis, être nul, ça me fait chier aussi, moi. Mais Anthony Davis, là, c'est MVP hein, à ce niveau-là. Hein. Ah, calme-toi, parce que MVP, c'est sur la durée. Non, mais il n'y a pas les résultats collectifs et tout, je suis d'accord. Enfin, là, depuis 3 semaines... Ah là, bah frère. Oui, clairement, il a un niveau MVP et plus. Hein. Non, mais il faut qu'il soit constant aussi. Certes, il nous lâche des grosses performances, mais il y a certains matchs, justement, c'est vraiment en dessous de la moyenne. Alors que t'as certains joueurs, Kevin Durant, par exemple, qui est constant tout le long, et bah, statistiquement, en fin de saison... Il n'y a rien à voir, c'est clair. Sur la saison complète, oui, mais là, ce qu'il nous fait depuis 3 semaines, moi, je trouve ça juste incroyable, en fait. Bah, les joueurs de la semaine, justement, avec Kevin Durant. Ah bah, encore heureux qu'il soit joueur de la semaine. Non, bah. C'est un grand délire. J'espère. C'est quoi ses moyennes, Migos? Il y a 37 points, 17 rebonds, 16 rebonds, un truc comme ça, non? Il est un peu moins, je crois. Il est dans les 27 points, il me semble. Ah, ok, ça a baissé. J'ai pas les stats. Bah, en fait, justement, parce que du fait que ça soit un peu régulier, forcément, t'as pas des grosses moyennes non plus. Après, 27 points, ça reste bien. Et Eddie, on avait besoin d'un joueur à minimum ça, tu vois. Donc c'est cool. Ouais, après, on espère que les dieux du basket le laisseront tranquille. On passe au flop. Et c'est moi qui m'en occupe. Avant de parler de nos chers taureaux, à mon avis, ce sera peut-être notre petit Rémi qui nous fera un petit contexte. Mais on va parler de l'histoire qui s'est passée entre Trae Young et notre cher Nate McMillan, son coach, puisque apparemment Trae Young et lui enfin il y a des choses qui sont sorties comme quoi bah il n'y avait pas une si bonne entente que ça dans le groupe des Hawks. Vérité. Et alors oui, parce que du coup on en avait déjà parlé, mais il y a eu un match contre Houston, c'était où Trae Young et DeJounte Murray et toute la clique ont commencé à chambrer les Rockets parce qu'ils se faisaient défoncer. Au final, à la fin, ils ont perdu. Donc le karma, mais bon, faut pas toucher une fusée qui en vole. Hein. Ils célèbrent des choses comme s'ils avaient gagné un titre, c'est n'importe quoi. Alors qu'ils ont encore rien prouvé, on peut le dire. C'est n'importe quoi. Ça va devenir l'équipe de connards détestés de la ligue. Ah bah c'est déjà le cas. Ils sont détestables, mec. C'est clair. Donc en fait, la brouille serait née du fait que Trae Young avait une petite douleur à l'épaule, il était en train de se faire soigner, et son coach est venu le voir et lui a demandé « Est-ce que tu peux t'entraîner avec nous aujourd'hui, et est-ce que ça te dérange si t'as mal de commencer sur le banc, tu vois ?» Et donc la réponse de Trae Young a été qu'en fait, bah, je suis blessé, et je ne préfère pas jouer plutôt que de sortir du banc. Donc magnifique. Et effectivement, ça met un peu l'ambiance dans ce qui se passe dans le vestiaire d'Atlanta, qui n'est pas de très grande qualité. Et notamment, en fait, c'est que dans les résultats, depuis cette brouille, il y a 2 défaites. Alors, tu joues au KC, tu n'es pas censé perdre, même si tout le monde sait que jouer Shai Gilgeous-Alexander quand il est en forme, ça reste compliqué. T'es quand même pas censé perdre. New York, pour une équipe qui était du coup avant t'as pris une branlée face à New York, 3e ou 4e de l'Est. Et au final, tu te retrouves avec avec ça qui sort dans la presse, et derrière t'enchaînes 2 défaites dégueulasses, et ça met pas en bonne disposition. Donc pour l'instant t'es encore 5e de conférence, mais il va falloir faire attention à Atlanta, parce qu'en fait le bon début de saison n'est pas confirmé, malgré l'apport de DeJounte Murray, etc., ça va être très compliqué. Oui, Rémi? Moi, il y a un truc qui me gêne encore plus que ça là-dedans, c'est que suite du coup à l'embrouille qu'il y a eu entre Trae Young et Nate McMillan, c'est que Nate McMillan il a dit suite à ce qu'il a répondu, il jouera pas le prochain match, où il y avait quelque chose comme ça, je sais plus exactement, mais en gros ils l'ont suspendu d'un match parce que du coup il a décidé de pas s'entraîner. Mais en fait il a quand même joué, il était quand même sur le terrain. Et moi je me dis pour les autres mecs de l'équipe, Bah en fait, c'est quoi ce genre de passe droit que t'accordes à Trae Young que moi j'aurais peut-être pas parce que je suis pas la superstar de l'équipe. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi ce genre d'ambiance que tu mets ? Il y a un coach qui dit un truc, vas-y, mets-le en place en fait. Les couilles, elles sont pas restées dans le casier du vestiaire. Bah non. Apparemment si. Donc moi j'ai parce que tu vois que là ça perd contre KC, contre New York, bon, ça peut perdre quelques matchs, après ça peut revenir, ça arrive à toutes les équipes. Mais si ça installe ce genre d'ambiance dans le vestiaire, je sais pas ce que ça donne sur le reste de la saison. Hein. Like McMillan au mois de février, ça se trouve il est plus là, hein. Attention. Ouais, puis la confiance dans le groupe en fait. C'est-à-dire que quand on voit les Celtics par exemple où il y a une discipline qui est là depuis un bon moment, et ben en fait le groupe file droit, même s'il y a pu avoir des éclats qui mais peut-être enfin beaucoup moins grave que le ça, coach, en tout cas, jamais changé, entre... ça, on s'en fout. C'est ça. Et chose que bah, pour Atlanta, à mon avis, ça n'arrivera jamais. Donc, en fait, Atlanta n'est pas si bien que ça en ce début de saison. Et donc, à surveiller, voir ce qui peut arriver prochainement. Bah, ils sont fun quand même. Ils sont fun dans le sens ils sont détestables. Et moi, j'adore quand il y a des joueurs détestables. Tu vois. en vrai, je trouve ça fun. Il faut qu'il y ait ça, en vrai. Bah, Vincent, il en faut un peu. Non, il en faut un peu, mais c'est relou. Une team qui fait ça. En fait, qui est un joueur, tu vois, genre un Draymond Green, tu vois. Il est détestable, Draymond Green, tu vois. Ouais. Mais dans une équipe comme les Warriors, tu vois, c'est ça qui amène un peu de piment, c'est bon, tu vois. Ouais, ouais. Mais si toute la team est comme ça, vas-y, c'est affreux, en fait. Si je ne t'aimerais, il est pas mieux. J'adore le joueur. Mais frère, ça chambre du rookie dans le vide. Mais après, c'est pareil. Là, au final, Atlanta, ils sont 5e. Ils ont une victoire d'avance sur New York, qui est 9e. Après, bah ouais, mais vu qu'ils avaient ça peut aller vite, hein, le début de saison. Non, mais du coup, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ouais, ouais. Bah, c'est le 5e, mais si le vestiaire ça coule, ça peut vite. De toute façon, le ventre mou à l'est, il change pas. Hein. Je veux dire, ça, chaque année, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. Entre 5 et 12, il y a deux matchs. Quoi. Ouais. Donc voilà, faut que Atlanta se réveille ou bah, tout simplement, ça va être très compliqué. On passe à la suite. Petit énervement au réveil ce matin, puisque Phoenix s'est fait défoncer par Boston. Ouais. Phoenix à domicile qui a refusé de se battre en fait parce que dans le match en fait il y a eu beaucoup de pertes de balles dégueulasses, body language de toute l'équipe sauf Mikal Bridges qui a été affreux. Le retour de Chris Paul n'a rien changé, il revient de blessure cette nuit et au final lâche Koumoun quoi, donc très compliqué. C'est surtout l'aspect visuel qui m'a choqué puisque bah en fait t'as refusé de te battre malgré, donc t'as atteint jusqu'à 45 points de retard dans le match. C'est énorme, à domicile, c'est dégueulasse. Et du coup, ce match fait que du coup, ils étaient promis de conf et ils l'ont laissé du coup à New Orleans pour revenir sur ce que disait notre cher Miguel. Mais en fait, ouais, tu perds 125-98 à la fin, ce qui est déjà énorme, mais t'as compté 45 points de retard. Et c'est affreux c'était affreux de la part des Suns. Donc ça m'a beaucoup frustré de voir une telle affiche aussi gâchée. Il y avait plus 27 à la mi-temps, c'est pas bien. En fait, c'est dommage parce que c'était les deux premiers de conférence, en fait. Bah ouais, ça a annoncé une belle affiche. Alors, on sait que Boston, c'est vraiment fort en ce moment. Quel niveau de Boston ? Faut se les cogner, Boston, en ce moment, vraiment. Mais, je veux dire... ouais, voilà, c'est ça, c'est Phoenix. Et tu... 45 WAM, quoi. C'est pas possible, en fait. Ouais, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Et puis... je rebondais sur Boston. Désolé, Gus, je rebondais sur Boston. Quel niveau de Boston ? Par contre, moi, j'ai... De l'autre côté du terrain, c'est incroyable. C'est rare que j'ai une équipe qui me fasse autant kiffer à les regarder jouer. Hein. Mmh. Ouais, c'est pas impressionnant. Ça, mais ils sont, c'est trop beau, c'est trop kiffant. Impressionnant. Bah, après, ça, tu vois, ce match-là confirme aussi que les Celtics, bah, en fait, peu importe qui est en face, s'il n'y a pas de réponse physique et en plus mentale, bah, en fait, ils vont bouillir. Enfin, ils vous graillent, en fait, c'est tout. Donc, génial pour les Celtics, dommage pour les Suns et dommage pour le spectacle qui aurait pu être beaucoup plus intense cette nuit entre ces deux équipes. On a aussi, du coup, un flop qui n'en est pas vraiment un, suivant de quel point de vue on se pose, puisque les Spurs, sur son 11 défaites consécutives, qui bien joué les Spurs, en transition pour Victor Wembanyama, même si bon, les supporters de San Antonio peuvent se réjouir, ça reste 11 défaites de suite, donc c'est vraiment dégueulasse de la part de San Antonio. L'objectif, c'est lever. D'ailleurs, il y a déjà des mecs qui ont les maillots au Wembanyama, les mecs. Je sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu des images où le mec il a un maillot Wembanyama 1. Et le mec, ils sont deux, ils sortent de la salle, il y en a un, le deuxième du coup, a le maillot Wembanyama, floqué Wembanyama 1 derrière, et le premier, tank. Donc, et là, on se marre. Les fans des Spurs ont de l'autodérision, c'est marrant. C'est génial. Bon, on verra ce que ça donne. Ça se trouve, faire ça pour à la loterie se faire baiser, ça peut arriver aussi. Il y a beaucoup de blessés au Spurs en ce moment. Oui, oui. Donc, déjà que l'équipe est. Tanking, mais bon. On se défait de c'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué de se blesser. Bonne blessure. Après, on avait vu à l'ASVEL que le maillot noir va très bien à Victor, donc. On espère que ça arrivera pour les Spurs. Bah, tu sais quoi, moi je suis sûr qu'un maillot rouge, ça pourrait lui aller très bien aussi. Ah ouais Migos va être content. Ouais, maillot rouge, let's go. Je faisais la transition sur Chicago, mais chacun son truc. Je savais que t'allais la faire, c'est pour ça que je voulais te la donner. Du coup, le gros dossier de ces deux dernières semaines, en fait, bah, c'est Chicago qui ne va pas du tout bien. C'est 12e de la conférence Est. Ça s'est pas attaqué, ça défend pas trop. Là, t'es sur les 5 derniers matchs, t'as quand même 3 défaites. Et sur les 10 derniers, t'en as, si je ne m'abuse, eh bien t'en as 7. Donc c'est dégueulasse. T'en as 3-7 sur les 10 derniers matchs. DeRozan, même si statistiquement il est impressionnant encore, ça reste, je DeRozan pense, survole moins le dynamique lot. Que l'année dernière. Parce qu'en fait, derrière, il n'y a personne qui suit. Bah ouais, c'est ça. En fait, DeRozan, il survole le lot. Mais vas-y, Vucevic, moi j'en ai ras le cul. Ouais, bah vous, en fait, pourtant, c'est là qu'on se rend compte de la limite de Vucevic. Mais pourtant, mais en fait, moi, dès qu'il y avait le trade, j'étais là en mode, mais moi j'en veux pas à Chicago, les gars. Désolé, en termes de stats, t'es quand même à 16 points 11 rebonds. Donc c'est pas si dégueulasse. Mais en fait, défensivement, c'est le vrai. À chaque fois. Défensivement, il sert à rien. C'est clair, je suis d'accord. Genre, c'est compliqué. Zach Lavine, il a ses hauts et ses bas. Personnellement, je suis pas super fan du joueur, mais ça me va que ce soit à Chicago parce qu'il est flashy et tout, et j'aime bien ça. Mais défensivement, il se donne pas, et offensivement, c'est trop irrégulier. Il peut faire un match à 12 points et le lendemain, il peut faire 42. En fait c'est ça le gros problème des Bulls, c'est défensivement en fait. Parce que quand tu regardes. Non, c'est offensivement surtout. Hein. Mais c'est le moins bien mettre le panier dans le ballon. Le ballon dans le panier. Mais le souci du coup c'est que ça défend aussi pas non plus parce que Lavine c'est pas un défenseur, DeRozan c'est pas un défenseur. En fait il y a que DeRusso qui défend. Vucevic c'est pas un défenseur. Donc DeRozan il se donne même si. Il fait l'effort mais c'est pas le défenseur de l'année. C'est pas non plus. Il y a Caruso qui fait le taf. Ouais, Lonzo Ball il est pas là, ça leur manque, ça c'est indéniable, ça leur manque. C'est sûr et certain. Mais tu peux pas t'appuyer que là-dessus en fait. C'est pas un joueur qui change ta défense du jour au lendemain. Enfin c'est pas Lonzo Ball qui change ta défense du jour au lendemain. Il y a Patrick Williams aussi, mais Patrick Williams, là, j'ai l'impression qu'il s'est endormi aussi depuis quelques temps, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus les minutes qui allaient. Il joue 26 minutes derrière. Patrick Williams, je veux voir jouer plus que ça, en fait. Sachant que Vooch a 32 ans et lui 21, il faut construire un peu l'avenir, tu vois. Donc, faudrait en fait, même pas tant les minutes, mais les responsabilités. Ouais, c'est ça aussi. Parce que sur le terrain, en fait, il est considéré comme un troisième, quatrième couteau. Et en sortie de banc, c'est pas lui qu'on donne les clés et l'opportunité de s'exprimer. En attaque, sur la seconde unit, t'as Goran Dragic qui sort du banc. Bon, ça fait des bonnes choses en soi. Ça. Kobe White aussi. Donc t'as André Drummond aussi qui vient choper ses 13 minutes. Donc au final, André Drummond, c'est pareil. Qui est compliqué, tu vois, au poste 5. André Drummond, c'est pareil. C'est pas lui qui peut défendre. Il peut mettre des contres, mais il défend pas. Ah, c'est ça reste meilleur que Vucevic hein, pour moi, mais. Ouais, c'est meilleur, je sais pas, c'est moins pire. En tout cas, c'est assez dégueulasse de la part de Chicago, qui est en train de s'enfoncer du coup dans le bas-fond de la conférence Est. Mais nous aussi, on a un objectif, mec. Mais il y a eu. Oui, ouais, mais je pense pas que ce soit les attentes des fans des Bulls avec l'effectif qu'ils ont dans les mains. Non, mais je kiffe. Par contre, ouais, bah normal. Mais il y a eu des petites rumeurs d'ailleurs qui sont sorties il y a pas longtemps. En début de mois, notamment sur le fait qu'il y pourrait y avoir des rumeurs de trade entre les Lakers et Chicago. On a dit, DeRozan et Vucevic pour Westbrook et des tours de draft. Rémi, qu'est-ce que tu as à dire de ça ? Il n'a pas les mots. Vas-y, en vrai. Il n'a pas les mots. En vrai, je suis mitigé de ouf. D'un côté, vas-y, ça m'emmerde parce que Russell Westbrook, malheureusement. J'adore le joueur, mais il est sur une fin de carrière qui est pas belle et j'ai peur que ça entache encore plus sa carrière si ça marche pas à Chicago. Mm-hmm. J'ai peur que l'alchimie avec Zach Lavine ne se passe pas bien. ça me fait un peu peur pour, à la fois pour Chicago, à la fois pour Russell Westbrook. Donc, d'un coup, je suis pas très fan. Mais d'un autre côté, je me dis, vas-y, Vucevic, faut que ça dégage. Les picks de draft, moi, je prends, comme ça, on se reconstruit plus vite. Westbrook, de toute façon, l'objectif, c'est, en fait, c'est, on joue à la balle chaude. En fait, on la garde qu'une saison et hop, on le dégage, tu vois. Donc, fin de saison, il y a moyen qu'on le refile à quelqu'un d'autre et comme ça, on part pour l'avenir. Donc, je me dis, pourquoi pas. Et en plus, d'un autre côté, vas-y, Russell Westbrook et Zach LaVine, ça va voler dans tous les sens. Ça peut être marrant, tu vois. Ça peut être fun à regarder. Le temps d'une demi-saison, ça peut être gaulerie. Donc, bah, j'ai envie après... de dire oui. Mais si j'ai l'assurance qu'il part l'an prochain, quoi, j'ai pas envie de le garder pendant 3 ans. Désolé, hein, mais. C'est sûr. Après, ce qui peut être bien, en plus de ça, si t'as Westbrook qui vient, c'est qu'en une demi-saison, je pense qu'avec le nombre de briques qu'il t'envoie, t'as le droit de refaire un gymnase. Alors, le mec, il te fait un autre United Center. Hein. T'es tranquille. Hein. En une demi-saison, ça lui suffit, le mec. Ah bah l'autre, il envoie du parpaing. Vous vouliez une nouvelle salle de spectacle à Chicago? Eh ben, vous prenez Westbrook. Le United, il est très bien, on va le garder, les gars. Donc, bah, il faut pas Westbrook. Refaites le Staples Center à Los Angeles, gardez-le là-bas, je pense. Le crypto.com Arena. Non. Respecte un peu, en fait. Respecte un peu. Le Staples Center, désolé. Ça restera le Staples Center, les gars. C'est vraiment de la merde, hein, qui nique leur chien avec leur marque à la con. Voilà. Non, c'est belle parole. Le trade, j'ai envie de dire oui. Allez, soyons fous, tentons-le, on verra bien ce que ça donne. D'accord. Bon. Réponse dans les prochains mois. Eh bien, c'est pas que qu'on va gagner une vague. Non, et puis je pense que en fait le plan DeRozan aussi tombe à l'eau pour aller chercher une bague, donc faut penser à ce qui peut se passer les prochaines saisons. Donc, et puis tu sais quoi, pour DeRozan, s'il va aux Lakers et qu'il chope une bague aux Lakers, je serais content pour DeRozan. C'est vrai, je pense que tout le monde le sera. Du coup, mon cher Rémi, c'est à toi pour les petites actualités. Yes. Et première actu, les gars, et pas des moindres, c'est tombé tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps. Britney Griner, qui est libre, cette joueuse de WNBA, je divague un peu du coup de la NBA pour passer que WNBA. Elle était détenue en Russie depuis le mois de février pour détention de cannabis. Elle avait sur elle de l'huile de cannabis. Et du coup, elle s'était faite arrêter, emprisonnée. La Russie avait essayé de faire monnaie d'échange pour libérer des espions russes aux États-Unis, tout ça. Bref, aujourd'hui, elle est libre, elle peut retourner aux États-Unis, et yes, la pauvre, elle est restée quasiment un an bloquée là-bas, j'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle va pouvoir rejouer, enfin bref. Bah voilà, oui, c'est... première info. Petit point blessure, pour ce qui concerne cette fois la NBA, petit point blessure assez léger, on a Tyrese Maxey qui devrait rejouer avant Noël, ça, il s'était blessé à la mi-novembre, fracture du pied. Et du coup, il est censé revenir prochainement. Donc, fracture du pied, en moins d'un mois, c'est réparé. On a besoin de lui. Mais ouais, ça, c'est une très bonne chose pour Milwaukee. Et James Harden. Et James Harden, il revient bientôt aussi, il me semble. Il est revenu la nuit dernière. Il est revenu là-bas. Donc, et on a Robert Williams qui devrait revenir aussi d'ici une dizaine de jours. Donc, Boston, ils sont pas assez bons. Ils se sont dit que. Défensivement, c'était léger. Donc, on récupère. J'ai peur. J'ai peur pour le reste de la ligue. Hein. Ils vont être impressionnants. Petit point transfert. On a des rumeurs de ton côté, Vincent, côté Knicks. Je parle de celui-là. Il y en a sans doute d'autres, mais je parle de celui-là parce que c'est celle qui m'intéresse le plus. Les Knicks ont dit comme quoi Evan Fournier était transférable. Et moi, je suis content. Bah, ça fait un mois on s'en serait douté. Il peut pas rester comme ça indéfiniment. Bah, c'est ça. Moi, j'ai envie vraiment de le voir dans une équipe. J'ai envie de le voir dans une équipe qui va jouer. Qui fait jouer. Non, mais juste qu'il fait jouer. Et si possible, même qu'il fait jouer juste en sortie de banc, en fait. Ouais, mais voilà ton sixième homme de luxe. Hein. Mais c'est ça, en fait. Aux Lakers. Ah bah, ouais, c'est que s'il arrive aux Lakers, c'est déjà le meilleur shooter de l'équipe. Bah, c'est pour ça. Ça peut être intéressant pour lui, tu vois. Ouais. C'est sûr. Et il peut vraiment rentrer dans la rotation. On va Fournier et Emmanuel Quickly, là, contre je sais pas qui. Et puis jouer avec LeBron James. Ouais, ce qui paraît, ça va prendre 2-3 trucs. Ouais, c'est pas dégueu. Et dernière actu, les gars, petit point intéressant, la NBA va filer un... Ah non, c'est pas la dernière actu, désolé, j'en ai encore une après. La NBA va filer un nouveau trophée au meilleur bilan de la Ligue. C'est-à-dire que du coup, actuellement, Boston, vu qu'ils ont le meilleur bilan, ils vont recevoir un trophée à la fin de la saison. Si c'est toujours Boston qui Ils l'ont appelé comment, le trophée ? Ils l'ont appelé le trophée Maurice Podoloff, ouais. Donc qui est le nom du premier commissionnaire de la NBA, sauf qu'en fait, on a déjà un titre. Bah oui. On a déjà un trophée qui s'appelle Maurice Podoloff, le bah titre oui, de MVP pour ceux qui ne l'ont pas. Et en fait, il y a des rumeurs, encore rien de fait, comme quoi le trophée de MVP va peut-être être renommé. Ok, d'accord. Et Bill Russell qui vient de décéder, est-ce qu'il y a un lien? Possiblement. Après, il y en a qui parlent de Kobe aussi, peut-être. Ça peut être une. En tout cas, s'ils ont donné ce nom-là, c'est que forcément il y a Anguille Souroche. Ouais, complètement. Donc à voir. Moi, je suis pas totalement fan de récompenser l'équipe qui a le meilleur bilan. Parce que c'est bien d'être bon en saison régulière, mais ça suffit pas en fait. Ouais, mais bon, tu récompenses la stabilité d'une équipe sur 82 matchs, voilà. Ça vaut rien. Hein. C'est comme le Western Conference Champion ou le Eastern Conference Champion, ça sert à rien, on s'en branle. L'important, c'est celui qui gagne à la fin, pas celui qui gagne sa conf. Mais on le donne quand même. C'est peut-être le management de Warriors qui ont demandé ça après le 73-9. Ils ont dit au moins comme ça, on aura quelque chose. C'est pas rétroactif, ils ont oublié ça. C'est-à-dire qu'on va pas revenir sur les années. On va pas revenir en 2016, hein, les mecs. Non, vous avez perdu comme des chefs, C'est clair. Voilà, donc donnez-nous votre avis. Moi, perso, je suis un peu mitigé. Je sais pas trop quoi en penser, mais bon, ça fait un trophée de plus. Hein. Chris Paul pourra peut-être remplir son armoire à trophées. Bah, il pourra poser un truc dessus. Pas que lui. Après, elle est gratuite, celle-là. Ouais, mais attends, parce qu'il faut qu'il soit dans une équipe qui se promet de conf. C'est-à-dire que même si ce trophée existait à l'époque, Carmelo, il aurait quand même son armoire de vide. Bref, ça, c'est un petit tac. On se demande vraiment pour qui c'est ce truc. Moi, franchement, je vois pas vraiment du tout pour qui. Je l'ai trouvé marrant, je l'avais préparé à l'avance et je trouvais ça marrant. Petite actu supplémentaire, c'est encore que des rumeurs, mais bon, j'ai envie d'en parler maintenant. La NBA se tâte, et je pense que ça va se faire, à faire un mid-season tournament. Ouais. Donc, il y a un petit tournoi de milieu de saison régulière. Parce qu'en fait, il y a deux faits. Le premier, c'est de réduire un petit peu le nombre de matchs en saison régulière. Donc, on passerait de 82 à 80 avec ce tournoi. Et du coup, les équipes qui iront en finale, ils monteraient peut-être à 81 ou 82, mais on aurait 28 équipes qui diminueraient un peu. Et ça permettrait aussi de remettre un coup d'accent sur le visionnage de la NBA pendant le mois de décembre, parce que c'est le mois où il y a un petit peu un creux, en fait. Ouais. En général, les gens, entre la trade deadline du mois de janvier, février, et puis le début de la saison, y a un petit creux, ce qui se comprend. Donc, ils voudraient remettre un coup de boost là-dessus en faisant ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Alors, moi, je trouve que ça peut être bien. Il y avait déjà eu, dans la NBA, des tournois instaurés, dans les années 60 ou 70, je crois, il y avait eu un tournoi de 1 contre 1 que j'avais entendu sur le podcast de mon cher Winston, les chroniques de Motor City, où il nous parlait qu'un joueur avait du coup remporté un tournoi de 1 contre 1 organisé par la NBA. Donc, je trouve ça assez stylé. Il faut que ça peut être des bonnes idées. J'aime bien ces dernières années que la NBA propose de nouvelles choses. On a eu le remaniement du All-Star Weekend, etc. Et pour moi, ça peut être que bénéfique. Attention à ce que ça engendre pas des blessures. Sinon, on va encore dire le vrai truc, c'est le titre NBA. Bah non, justement, même si ça réduit le nombre de matchs, mais ça joue quelque chose de plus, tu vois. À voir comment les joueurs s'adaptent et ont envie de faire ce truc-là, parce que ça peut être bien pour nous, mais si eux, ils n'ont pas envie de le jouer et que ça devient comme le match du All-Star Game, rien à foutre. Mais sur le principe, oui, je suis d'accord. Ça, oui. Moi, il y a deux choses. Ouais, vas-y, Miguel. Ah, bon, moi, j'ai clairement l'avis opposé, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment pas ouf de faire ça, justement, parce que ce tournoi, il n'aura jamais un meilleur impact que la NBA tout court, en fait. C'est que certes, ok, t'as une équipe qui va peut-être gagner ce petit tournoi, mais en vrai, en fin de saison, on s'en foutra totalement. Et en fait, avec les années, justement, les joueurs, ils ont juste la flemme de jouer ça et ils vont pas jouer. S'ils le jouent comme le All-Star Game, mais en mode il y a zéro défense, ça peut être un peu chiant. Après, il y a des équipes. Non, je pense qu'il y aura de la défense, parce que du coup, il y aura quand même un titre à gagner au bout. Bon, ce sera pas un titre aussi important que le Larry O'Brien, mais il y aura quand même un truc, tu vois. Ah, mais je suis pas sûr, ça. Et c'est pour ça qu'après, il faut le tester, mais après, si ça marche pas, faut voir s'il faut le changer ou pas. Ouais, Gus. Est-ce que c'est forcément organisé avec franchise contre franchise, ou est-ce que ça peut être des équipes mixtes avec des joueurs qui choisissent des trucs? Parce que si tu te retrouves à faire des équipes, si tu te retrouves à créer une team de 5 ou 6, ou j'en sais rien, ou une team de 12, où en fait tu redraftes complètement les équipes et du coup tu te retrouves avec ça peut être très drôle aussi de faire ce genre de format. Ça, j'aime mais, bien. Mais bon, ouais. À voir comment ça peut être discuté. J'ai pas suivi ce qui se passait à ce niveau-là. Pour moi, l'idée, ça serait plus de faire vraiment franchise par franchise. Okay. De faire, au mois de décembre, un mini tournoi, les gars, pendant 3 semaines, la saison régulière, elle se stoppe. Et en fait, c'est un mini tournoi. Et voilà, en gros, c'est un peu ça l'idée de ce que j'ai compris. La cour de récréation, quoi. Mais bon. Moi, je suis pas ultra fan, je vous explique pourquoi. Réduire le nombre de matchs de 82 à 80, je trouve pas ça si impactant. Je pense pas que ce soit ça qui va limiter les blessures. Et en fait, ça veut dire que le record des Warriors, personne pourra l'égaler. 73 victoires, en fait, c'est bon, c'est eux les meilleurs. Au pourcentage, on arrivera à trouver un comparatif. Ouais, mais il y en a qui diront, mais 73 victoires, 9 défaites, c'est quand même mieux. Enfin, tu vois. Et même les stats des joueurs. Hein. Ouais, même les stats des joueurs, ouais. Mais bon, après, je sais pas. À ce moment-là, les Celtics ont 16 titres, mais il y en a eu 8 dans la même décennie. Et tout le monde dit, personne dit, c'est parce qu'il y avait moins d'équipes. Ils jouent trop fort, en fait, c'est tout. C'est pas un argument qui me fait pencher pour ou contre. Ça me laisse indifférent. En tout cas, réduire à 80, je vois pas un grand intérêt. Là, tu réduis à 75, il y a 7 matchs en moins. Ok, les mecs, ils laissent moins. Parce que que nous, on voit moins de matchs et que Kawhi y joue, je suis chaud. Tout le monde est chaud. Si c'est pour voir moins de matchs, mais qu'Anthony Davis soit comme ça tout le long de la saison, je suis archi chaud. Pour moi, c'est sûr que 80, ça change rien. Non, 80, ça sert à rien. Si tu veux avoir un impact, pour moi, il faut que tu arrives à 72. T'enlèves 10 matchs quasiment. Ouais, peut-être. Tu vois, 75, tu vois, déjà là, tu vois un plus gros impact. 82. Déjà, en fait, tu supprimerais tous les back-to-back. Par exemple. Ouais, je suis d'accord. Déjà, t'as pas de back-to-back, c'est pareil. C'est pas pareil. Donc. Mais moi, par contre, je rejoins Miguel sur le tournoi. Pour moi, ça sert à rien. Moi, j'avoue que je le regarderai pas plus que l'NBA, en fait. Moi, clairement, il y a pas trop d'intérêt. Si c'est un trophée, et puis en plus, moi j'ai pensé à ça comme ça, on en a parlé tout à l'heure. Imaginez Trae Young et Dejounte Murray s'ils gagnent ce trophée-là, comment ils seraient détestables as fuck. Après, c'est bon les gars, en fait, c'est les deux GOAT. Terminé. Hein. Les mecs, ils jouent même plus après. Non, mais en vrai, non. Tu vois, faut pas non plus. Je comprends hein, que ça peut être ça peut manquer d'intérêt, mais si la NBA fait en sorte que ça se tourne bien, ça peut devenir un intérêt. Faut aussi accepter ce qu'on peut nous proposer de nouveau parce que la ligue a pas changé depuis un bon moment. Tu vois. Moi, j'accepte carrément, mais je sais pas si c'est l'idée du siècle. Tu vois. Le play-in tournament, c'est pas ce que j'ai dit non plus. C'est pas ce que j'ai dit, tu vois. Mais le play-in tournament, c'est une bonne idée. C'est trop bien ça. Moi, je suis fan. Est-ce que par exemple mettre une récompense en jeu qui impacte la saison régulière? Genre par exemple, si tu gagnes ce tournoi-là et que t'as égalité, ça se trouve tu as l'avantage du terrain. Par exemple. Ah là c'est bien, ça c'est intéressant. Du coup tu te mets un truc qui a de la valeur et c'est intéressant pour les équipes qui seront middle de conf d'aller choper ça pour par exemple au lieu de passer par play-in, t'es direct qualifié en play-off. Tu vois, mais il faut trouver un intérêt comme ça en fait. On peut faire pour moi s'il n'y a pas d'intérêt comme ça, ça sert à rien. Parce que oui, sinon, je suis d'accord. On peut faire un truc comme ça ou on peut faire un raccourci pour le trophée qui peut être chouette. Mais c'est juste un trophée, je suis pas fan. Sinon, je suis d'accord avec vous. S'il n'y a pas d'enjeu, juste un trophée à la con avec un nom à la con, on s'en bat les couilles en fait. Mais si tu mets un truc intéressant avec une vraie carotte, ça peut être ultra cool de voir ces équipes-là se qualifier ou récupérer un truc meilleur pick à la draft dans leur saison. Par exemple, tu gagnes 2-5% pour la loterie ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. C'est con, mais ça peut être intéressant. Ouais, enfin, complètement. Il y a des choses à peaufiner et ça peut être envisagé si. La NBA fait ça correctement. Mais dites tous les cas ce que vous en pensez. Je te laisse Vincent pour la question finale. Moi j'ai une question que je me pose depuis le début de saison. Est-ce qu'on peut imaginer une équipe de l'Ouest être champion cette année? Moi c'est la question que je me pose là. On peut imaginer une équipe de l'Ouest. Est-ce qu'on peut imaginer? Et du coup ça amène une autre question. Est-ce que l'Est est bien meilleur que l'Ouest? Ouais. Cette année. Après, moi, je donnerais clairement mon avis, tu vois. Non, mais cette année, on est d'accord. Après, attention. Ouais, c'est sûr. Mais là, en fait, tu vois, là, moi, je me pose cette question-là parce que là, actuellement, je me dis, bon, cette année, qui pourrait être champion? Et en fait, quand je me pose cette question, je vois aucune équipe à l'Ouest. Des équipes qui... qu'aurait pu nous avant, genre Phoenix et tout, même ces équipes-là, Memphis pour moi, non, tu vois, si on prend le top de l'Ouest, là, actuellement... Je te renvoie la balle, là, sur un coup droit, il y a un an, jour pour jour, tu voyais Golden State, elle est en finale? Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. C'est certain. Mais après, on sait qu'ils ont de la ressource. Là, actuellement, Golden State, c'est 10e. Après, oui, forcément, ils vont remonter. Et après, on sait comment ça va être en playoff, etc. À cette période-là, mais l'année dernière, Boston actuellement, est 12e de conf. C'est sûr. Ouais. Mais là, à l'heure où on parle, et même du coup, depuis le début de saison, bah, moi, je vois même pas une équipe de l'Ouest espérer être champion, déjà. Alors, moi, je réponds à ta question avec un petit... comment dire, je modifie un peu. Pour moi, les équipes qui me paraissent le plus sereines sont à l'Est. Ouais, ouais, ça, là, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais attention aux surprises. Attention aux surprises pour le mois d'avril. Enfin, pour le mois de juin, même. Mais aujourd'hui, bah, les trois meilleurs bilans de la NBA sont à l'Est, en fait. C'est Boston, Milwaukee, Cleveland, c'est ça ? Dans l'ordre, en plus ? Non, parce que Nola est, du coup, est devant Cleveland. Nola est passé devant. Ah, ok. Ouais. Okay, mais sinon, oui, c'était ça. C'est à peu près ça. Parce que clairement, là, en fait, enfin moi, les équipes de l'Ouest me déçoivent, en fait. Mais vraiment. Moi, je sais pas si c'est les équipes de l'Ouest qui me déçoivent ou si c'est Boston les et équipes Milwaukee, de l'Est, en fait, ils sont... Ouais, c'est sûr que Boston et Milwaukee, en fait, ils sont carrément au-dessus du lot, en fait. Ouais, moi, je pense que c'est ça. C'est ça, hein. Ouais, il y a peut-être aussi de ça, mais... Boston, je l'ai dit tout à l'heure, putain, ça joue bien. Défensivement, c'est trop fort. Offensivement, c'est trop fort. C'est collectif. On sait qui c'est le patron. On sait qui c'est le lieutenant. Tout le monde a son rôle. Tout le monde défend. Joe Mazzulla, il est trop fort. C'est bon, on a déjà oublié. Merde, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Ime Udoka. Ime Udoka, putain, je l'avais oublié, mec. Tu sais, celui qui fait des trucs avec les le staff médical. Ime Udoka, frère, le gros baiser. Frère, à Boston, plus personne sait qui c'est. Joe Mazzulla, il l'a fait. Hop, terminé. Non, mais c'est vrai. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Alors, c'est évidemment, sûr. On l'a dit en début de saison, c'est plus facile pour lui avec de coacher une équipe pareille. Bah ouais, mais n'empêche qu'en fait, il le fait bien. Ouais, les rotations sont bonnes, les systèmes défensifs ils sont bons. Brogdon sorti de banc, c'est incroyable sa mère. Ouais. Les recrues de Boston, c'est pareil, ça rentre encore plus dans le moule que. Enfin, bah bref. Ça peut pas. Ah, Milwaukee c'est pareil, il y a Giannis qui roule encore sur tout le monde. On parle même pas de lui dans les courses au MVP et je trouve pas ça normal parce que en fait. Trop habitué. Middleton parle quand même de lui. Et Middleton vient tout juste de revenir et est encore pas en forme, mais ça win quand même. Il n'y a pas de problème pour enchaîner. Ils n'ont même pas besoin de forcer non plus, ça défend aussi trop bien. Giannis, il est à 32-11-6. Donc en fait, voilà, pour moi, c'est juste que Boston et Milwaukee, ben, en fait, ils sont vraiment au-dessus du lot. Mais ouais, à l'Ouest, ils sont cohérents. Ouais. Non, mais tu vois, justement, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est pas qu'on voit personne à l'Ouest gagner, c'est qu'on voit pas quelqu'un d'autre, à part Boston ou Milwaukee, ne pas gagner cette année. C'est ça le truc. C'est plus ça, en fait. Qui gagne le titre entre Boston et Milwaukee? Je pense que c'est celui qui gagne la finale de conférence. Bien vu. Mais par contre, je pense que ça va nous envoyer une belle grosse finale. Si on part comme on est en train de dire, ce sera la finale avant la finale. Mais attention, parce que Golden State, s'ils reviennent en saison régulière, en fait, en playoff, ils peuvent être trop forts. Ouais, c'est sûr. Attention à la trade deadline aussi, il peut se passer des dingueries. Tu rajoutes un playmaker à côté de Luka Doncic. Je vais dire, même un match en 7, t'as Luka Doncic en finale. En 7 matchs, il peut chauffer. C'est ça de quoi il parle. Après, faut pas mettre des playmakers avec Luka Doncic, faut juste mettre des mecs qui défendent. De toute façon, il sur la balle 4 secondes, il a la balle 22. Il faut un playmaker aussi à côté de lui. Il a la balle 22 secondes sur 24, tu peux mettre n'importe qui. C'est pour ça qu'il faut un autre playmaker. Mais non, justement, il faut juste mettre un mec qui s'est shooté parce qu'il va quand même garder la balle 22 secondes sur 24. Donc il faut juste un mec qui soit en bout de chaîne qui attend comme ça. Allez, vas-y, fais la passe, je suis là, je peux shooter, vas-y. C'est tout. Pas besoin d'autre chose. En fait, il faut toi. Oh, ouais, ça me va. Après, le souci, j'ai peur que si moi je suis à Dallas, j'ai peur que du coup Doncic sorte du banc. Ah ouais, merde. C'est ça le problème. C'est un problème. Bon. J'ai pas non plus envie de le blesser dans son ego. Après, il va faire une trayon. Non, moi je suis pas payé pour sortir du banc. Tiens, ta gueule. Petite anecdote pour ceux qui nous écoutent, Vincent s'est fait numéroter son maillot d'entraînement au numéro 77. Voilà. Pourquoi, d'ailleurs, les gars, il y a. Je comprends pas. Non, parce que c'est le nombre de fois où je vais au McDo par mois. Ah, d'accord, ok. Pardon. par contre, il y a un truc qui m'a choqué. On n'a pas parlé des Sixers dans les remontées potentielles à l'Est, mais. Étonnant, tiens. Surprenant. C'est bizarre, non ? Allez. Ça n'a pas remonté de ouf. Hein. Ça remonte pas. L'analyse a été faite. moi, j'ai une petite hypothèse quand même. Imaginons en fin de saison à l'Ouest, on a un Kawhi qui est revenu à son niveau et qui joue un PG qui est assez correct. Non, mais imaginons, Est-ce que ça peut tiens, putain, tu fais bien, je voulais en parler dans les actus, merde. En fait, ça dépend. J'ai oublié. Du coup, les gars, je vous rajoute une actu à la fin. Le retour de Kawhi côté Clippers, merde. On l'a pas vu venir, il est revenu. Bon, ça perd quand même. Mais au moins, il est là. Mais ça joue. Ça joue pas beaucoup de minutes. Ah si, si, il attendait, il nous a mis un game winner. Ouais. Ah, on va voir s'il joue ce soir face au 8. Hein. Il nous a mis un game winner. Je suis pas sûr qu'il joue. Non, il est out ce soir. Il est out ce soir. Ça, il est déjà out. Vous foutez de ma gueule, là. Ah, il est out. Mec, il a joué 20 minutes, il est out. Oh, j'en ai ras le cul, putain. Il fait des sessions de deux matchs à chaque fois. C'est très, très dur pour moi de suivre la NBA, les gars, en ce moment. Je suis fan de Chicago, je suis fan des, des Clippers. T'allais dire des Sixers, là. Attends, t'as ouais, fait faire la piste. Les gars, j'en ai marre, là. Je pense que je vais arrêter la NBA. Hein. Je rigole pas. Hein. Bon, reste dans le podcast, quand même. Tu feras semblant, il y en a qui ont réussi pendant quelques mois. Allez, on l'a pas perdu. On part sur les coups de cœur. Coup de cœur, coup de gueule, en vite fait, parce que là, je vois qu'on enregistre depuis bientôt une heure. À mon avis, au montage, il y aura un peu moins, mais... On part tout de suite sur coup de cœur, coup de gueule. Miguel. Anthony Davis. Désolé, je commence. Anthony Davis, coup de cœur. Tu voulais la parole comme ça, toi. Non, mais je voulais pas qu'on me le vole. Je voulais pas qu'on me le vole. Bon, bah, Anthony Davis pour Rémi. On en a assez parlé. Ça sert à rien de trop rajouter. Juste, voilà, c'est cool de le revoir à ce niveau-là. Juste qu'il a un seul sourcil. Voilà. Voilà. Miguel. Je peux y aller maintenant, c'est bon ? Vas-y. Moi, j'ai un coup de gueule à faire, les gars. J'ai un coup de gueule à faire. Un coup de gueule. Et non, mon coup de gueule, c'est pas que Phila a perdu trois fois les trois derniers matchs. Non, c'est pour ça qu'il est pas dans les tops. Voilà. Non, par contre, mon coup de gueule, on en a parlé vite fait tout à l'heure, mais c'est Phoenix, en fait. Et je suis désolé, c'est pas possible. Les derniers matchs qu'ils font, c'est horrible. Devin Booker, j'ai l'impression que le gars, il choisit ses matchs, en fait. Soit il est bon, mais comme j'ai jamais vu ça, le mec, il fait des matchs à 80%, plus de 50 points, c'est n'importe quoi. Et derrière, il te fait un match à 30%. Ouais, mais il y a un truc qui change entre les deux. C'est que tu l'as piqué en TTFL, du coup il fait une merde. Non, je ne l'ai pas piqué, justement. J'ai pas confiance en lui. C'était moi. Salut. Non, mais c'est juste incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire ouais, même Devin Booker, au moment tu le vois, il met 40 points, ça perd contre Houston. Donc moi, il sort avec une Kardashian. Je t'explique tout. Sortait. Ah, ils sont plus ensemble tout ça. Et non. Ah, bah dans ce cas, je sais pas pourquoi il est bizarre alors. En vrai, ils ont une vraie team. Hein. La Kardashian team, là, elle est incroyable. Ben Simmons, ouais. Jordan Clarkson. Du coup, on a dit Devin Booker. Bah, il y a du Chris Paul, maintenant, apparemment. Ouais. André Drummond, pas André Drummond, Tristan Thompson. Enfin, bref, il y a une petite équipe de 4-5 joueurs, là, enfin, de 5-6 joueurs qui est sympa. Pour le mid-season tournament, ça peut être marrant. Par exemple, la Kardashian team. Let's go. Putain, tout est lié, c'est beau. Vincent, c'est la quoi ton coup de cœur ou ton coup de gueule? La banana boat, let's go, putain. Ah, mon coup de cœur. Attends, il y a un problème. Attends, Vincent, je te coupe. Il y a un problème dans Banana Boat Kardashian Team. Il y a deux fois Chris Paul. Ah merde, ouais. Ah ouais, merde. On peut pas jouer. C'est pas possible. C'est impossible. Vas-y, Vincent. Moi, mon coup de cœur, c'est le match de José Alvarado. Clairement. Ouais. Tout à l'heure, vous en avez parlé, je suis trop deck parce que du coup, j'ai dit ouais, en coup de cœur, personne m'en parlait. Eh ben, si, il en a parlé. ouais, franchement, en live, vas-y, incroyable. Incroyable. Ouais. Le petit bonhomme comme ça là, qui défonce Denver tout seul. Incroyable. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai la perf de Jokic dimanche soir, malgré la défaite face à New Orleans, qui a été énorme. Et pour la petite stat, 32 points, 16 rebonds, 9 passes. 2 interceptions, 1 contre, 13 sur 19 au tir. Point final. Il a fait une masterclass, mais ça a perdu quand même derrière, c'est dommage. C'est ton code Wi-Fi, Gus ? Comment ? Ouais, évidemment. C'est ton code Wi-Fi, c'est ça. C'est la ligne de stade de Jokic, du coup, je l'actualise tous les jours, c'est un peu chiant. D'accord. Mais il y a toujours 10 numéros, donc ça va. Il y a toujours presque du triple-double. C'est ainsi que nous clôturons cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. N'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA. Évidemment, on attend vos avis, vos retours sur l'émission et si vous avez des choses à nous partager. On a aussi, on fait partie d'un label qui s'appelle Podcast. Avec d'autres podcasts, à savoir Culture Ims, L'Actu dans le Bahut et BPcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vive le basket, vive la NBA. Ciao. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.